Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, pour la première de l'année, donc déjà bonne année, bonne santé, etc. On va faire une spéciale Star Wars. On devait le faire pour la fin de l'année, on n'a pas pu le faire, donc du coup là on va le faire maintenant. Et pour m'accompagner, j'ai bien sûr le fan de Star Wars inconditionnel de cette émission, Nebu. Eh oui, c'est moi, salut, bonne année à tous, hein, et ça me fait plaisir de vous voir. Effectivement, une émission spéciale Star Wars, on ne pouvait pas la faire sans moi et sans toi, Jeff, hein, de toute façon, puisque on est interdit de parler de Star Wars quand on est avec les autres, donc là, voilà, forcément, à deux, il fallait qu'on fasse une full émission, parce qu'il y a plein de trucs à raconter, mais tu vas l'annoncer dans le sommaire juste après. Et je te laisse parler également de ton partenaire de toujours, le deuxième membre des Arbos, et je te laisse l'introduire parce que c'est quand même ton frère. Voilà, mon frangin, donc Joe, qui nous accompagne pour cette petite émission spéciale Star Wars, donc mon frangin dans la vie, le deuxième membre des Arbros. Deuxième, c'est pas le petit quand même. Hein. Je te laisse dire bonjour. Bonjour tout le monde, et puis merci beaucoup pour l'invite. Donc je suis un peu fan de Star Wars quand même, hein, faut pas déconner, mais je serai quand même le modérateur de vous deux là. D'accord, ok, tu feras un petit peu le néophyte. Je tiens à préciser que c'est avec toi que j'ai eu le privilège de visiter le Star Wars Galaxy's Edge à Los Angeles. Donc on peut dire qu'on a vu du Star Wars dans la vraie vie, quoi. Ah ouais, et c'était quand même exceptionnel. C'était beaucoup trop bien. Alors, vite fait, pour le sommaire de cette émission, on va commencer par faire un petit retour sur Star Wars en 2020, tout ce qu'on a eu, entre surtout beaucoup de comics, un peu de romans, avec quelques sorties intéressantes en France. Et on a eu également Star Wars Squadron qui est sorti. Je sais que vous n'êtes pas vraiment fans tous les deux. Et puis sur le tard, on va dire. Sur le tard. Bon, on discutera dans quelques minutes. On en reparlera. C'est l'intro. C'est ça. Et la deuxième partie de l'émission, ça sera sur la saison 2 de Mandalorian, qui a d'ailleurs clôturé l'année 2020 pour Star Wars. On a une troisième partie qui sera l'annonce de l'Investator Day, qui nous a annoncé plein de choses, tellement de choses qu'on a toute une vie pour tout débriefer. Et on va terminer cette émission par High Republic, qui est le tout nouveau event de Star Wars, qui va se dérouler sur 200 ans. Et sur ce, écoutez, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Et à savoir qu'on s'est lancé comme défi de faire une émission d'une heure et demie. Donc on va voir si on va tenir ou pas du tout. Et c'est parti pour cette toute première partie d'émission. Et on va débriefer Star Wars en 2020. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Mais avant de rentrer dans le détail, comment vous avez trouvé cette petite année 2020 pour l'univers qu'on préfère le plus au monde? Et surtout, est-ce que vous avez trouvé que ça avait été gâché par le Covid ou pas du tout? Je pense que on peut pas dire que ça a été vraiment gâché sur le Covid, parce que tout ce qui était prévu de sortir cette année est sorti. Il n'y a pas eu de report et tout ça. Je pense pas vraiment que peut-être sur les tournages de l'année prochaine, pour les trucs qui étaient censés sortir cette année, du moins, en 2021, peut-être ça a décalé. Non, je trouve pas que c'est vraiment gâché ce qui était prévu, en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Hormis en tout cas une certaine série dont on parlera plus tard, en plus de cette série, ça a été une bonne année, sachant que je sais pas pourquoi, moi j'étais pas dans la nouveauté cette année. Bizarrement, j'ai renforcé ma passion, si je peux dire, pour l'Ancienne République. Alors forcément, on n'est pas dans le canon, mais moi cette année, c'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis avec les comics et tout ça là-dessus. Donc c'est comme ça que je pourrais caractériser mon année 2020, par le passé finalement. Écoute, c'est pas si mal que ça. Hein. De toute manière, le passé, c'est le futur de Star Wars, de toute manière. Ça s'en rapproche, oui, on est d'accord. D'ailleurs, mon livre de chevet en ce moment, c'est du Old Republic. Hein. Old, pas High Republic, on est d'accord. Old Republic. Ce sera plus tard, la High Republic. Je pense que... Bon, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais... Alors, du coup, en rétrospective de l'année 2020, on peut dire très déjà qu'il y a eu l'annonce de Star Wars High Republic début février. Normalement, ça aurait dû sortir en juillet, mais à cause du Covid, ça a été décalé en janvier 2021. Donc voilà, ça c'est le seul petit report de Star Wars à cause du Covid. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'avais oublié ça, ouais. On a eu Star Wars The Clone Wars saison 7. On l'a poutré avec Nebu, donc je vous invite d'écouter plutôt le podcast. On va pas. Oui, c'est vrai. On va pas revenir. On a fait un podcast exprès là-dessus, ouais. On a fêté les 40 ans de l'Empire contre-attaque, le meilleur épisode de la saga pour moi. C'est pas pour vous. Je dirais pas le meilleur, mais je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas mon préféré non plus, mais je l'aime beaucoup. Ouais. Il y a eu la fin du développement de Battlefront 2, également on a sonné en mai. D'ailleurs, Battlefront 2 qui sera disponible la semaine prochaine sur Epic Games gratuitement. Ah bah dis donc. Et ça nous a fait la fin de l'année aussi. Hein, effectivement, ouais. Mine de rien, maintenant que tu le dis, j'y repense, on l'a un peu saigné. Le truc, c'est qu'on y arrivait un petit peu en décalé, parce qu'effectivement, ouais. Ça faisait un an et quelques qu'il était sorti, et en fait... Notre gros rendez-vous cette année, c'était World of Warcraft, l'extension forcément. Et en attendant l'extension, moi j'avais envie d'univers Star Wars. J'avais commencé à me les remater et tout ça. Et Battlefront est passé à moins de 20 balles sur Steam, je crois. Mmh. C'était à 16€ la version complète avec tous les skins et tout ça, donc j'y suis allé pour tester et en fait je me suis vraiment pris au jeu. Ça défoule vraiment, t'es vraiment dans l'univers, voilà. Donc c'est vrai que niveau univers, alors déjà c'est beau et ouais. Je trouve que ça le respecte quand même pas mal, ça défoule, non c'est vraiment c'était vraiment un bon moment, ouais. Ouais, et du coup, je t'ai engrainé là-dedans et t'es venu jouer avec moi et on a passé trois semaines dessus, 3-4 semaines, où on a vraiment kiffé, quoi, pas mal quelques parties par jour, là, c'était vraiment cool. le fait que ce soit cet univers Star Wars, quand même, c'est une plus-value assez exceptionnelle. Alors, même s'il y a eu des bad buzz sur ce jeu, nous, s'y mettre maintenant pour le prix, je regrette rien. Mais du coup, je te fais ta transition pour le jeu suivant. En fait, ce qui nous a fait venir sur Battlefront, bizarrement, c'était Squadron. Ouais, une petite frustration. Ouais. Ouais, on s'était hypé hein, pour ce jeu-là, Star Wars Squadrons, qui est sorti donc au début de l'été, hein, c'est ça ? En octobre. Non, il est sorti si tard que ça ? Oui, bien sûr. Il me semble aussi. Hein, il me d'accord. Semble aussi. Tu vois, je pensais qu'il était sorti plus tôt que ça. Et effectivement, j'étais pas mal hypé parce que les Rock Squadron de la GameCube, c'était pour moi les meilleurs jeux au monde. Quoi. C'était vraiment trop bien. On les a saignés avec Joe, on les adorait. On a commencé par la 64 en plus. Hein. Voilà. Et puis du coup, le coup multijoueur, ça nous hypait bien. Et finalement, j'ai trouvé le gameplay décevant. Enfin, à la fois simpliste et à la fois pas équilibré, j'ai trouvé. Oui, surtout ça. Ça a peut-être changé depuis les patchs derniers, mais on y a joué. Enfin, toi, je sais que t'as fait le scénar. Moi, j'ai même pas réussi à finir. Je l'ai pas fini encore. Ah, je l'ai pas fini non plus. Bah voilà. Après, moi, j'ai voulu y jouer surtout pour le multi, mais en fait, c'est tellement pas équilibré que. Faut vraiment y jouer vraiment longtemps et beaucoup, beaucoup pour tout maîtriser. Donc, ça m'a pas trop plu. J'y ai joué quand même. Je m'y suis remis un petit peu juste avant de passer sur Battlefront, justement. Et je me disais, mince, ça manque d'immersion, ça manque de quelque chose. J'adore les jeux de pilotage, mais là, ça y est pas du tout, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a fait passer sur Battlefront, du coup. Alors, moi, de mon côté, Battlefront, j'y ai joué énormément au moment de la sortie, pour le moment de l'histoire, parce que je fais partie de ces acheteurs pigeons quand ils voient Star Wars. Histoire exclusive, tu dis j'achète. Ah, mais je comprends carrément. Et surtout qu'il y avait marqué à un moment un lien avec l'épisode 8. Donc là, forcément, tu fermes ta gueule. Oui, c'est vrai ça, maintenant que tu le dis. Donc j'ai été pigeon, je l'avais acheté quasiment que pour ça. J'ai Bah, j'ai essayé le mode en ligne, mais bon, vu ma connexion de merde, c'était pas possible. Et là, maintenant, vu que j'avais arrêté l'abonnement sur la Play, je suis bien content qu'il arrive sur Epic Games. Je pouvais me le retélécharger et y jouer peut-être en ligne. Ouais, en ligne, franchement, il est jouissif en ligne. Tu te mets dans les batailles à 40, c'est trop bien. Enfin, alors, nous, parce que je pense que c'est parce que aussi on n'a pas tellement de points de comparaison. Parce que si tu discutes avec tous ceux qui ont fait le Battlefront de l'époque. Alors, lequel de l'époque? Le Battlefront 2. Moi, ça ne me touche pas dans le sens où je n'ai pas joué à l'ancien Battlefront 2, tu vois. Ce qui fait que moi, j'étais immergé, les combats à 20 contre 20 compagnie, j'ai vraiment adoré. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent. Peut-être lié à l'aspect nostalgie aussi, je sais pas. Ouais, je pense, ouais. Mais en vrai, non, il est kiffant. Mais ouais, bon, ouais. Pareil, on pourra en parler des heures. Le mieux, c'est d'aller y jouer. Profitez-en, effectivement, si c'est sur Epic Games. Faudra peut-être que tu rappelles les dates, Jeff, pour la pas louper. La semaine prochaine, à partir du 14 jusqu'au 21. Voilà. Bah, et comme ça, vous pourrez voir directement, en direct, ce que ça donne. Et l'histoire solo est bien sympathique. Alors je peux pas juger, j'ai fait que la moitié quoi. Moi j'ai commencé aussi, ça avait l'air pas mal en tout cas. Et du coup bon ben on va, t'as commencé la transition mais on va continuer. Star Wars Squadron, donc vous avez pas aimé. Ouais. Moi j'ai aimé parce que ça me rappelait. Alors j'ai commencé Star Wars en jeu vidéo, pas avec Rogue Squadron. Qui était pour moi bien en dessous du Star Wars X-Wing qui était sorti en 93 et ils avaient fait Non mais tu peux pas comparer. J'avais 2 ans. Je savais même pas que les jeux vidéo existaient. Je veux dire, X-Wing, tu jouais avec des petites barres, enfin c'était du Pong, sans déconner. Non. Et là tu passes sur du Squadron où t'as de la 3D. Il faut savoir qu'au début il est pas du tout rétro gaming, hein, donc. Non, je suis désolé, tu regardes. Alors, si tu me laissais terminer, X-Wing, ça a été une trilogie. X-Wing, Tailleux, Fighter. Après, tu avais eu X-Wing versus Tailleux. Et le dernier, c'était X-Wing Alliance. Et tu regardes les images, c'était top à l'époque. Tu avais un choix de vaisseau extraordinaire. Ça allait jusqu'à la bataille de la seconde étoile noire. Et l'histoire était passionnante. Et le gameplay était bien compliqué. Peut-être même plus compliqué que Squadron. Et j'avais adoré. Ouais, non, mais je peux comprendre, effectivement. Mais ouais, non, moi... bon, déjà, parce qu'en 93, j'avais pas d'ordi. Et ensuite... ces jeux-là m'ont jamais vraiment attiré. C'était trop abstrait pour moi. Donc, du coup, toi, t'attendais le Squadron aussi et t'as pas été déçu parce que c'est dans l'esprit des anciens, quoi. Ouais, c'est vraiment l'esprit des anciens. Bon, par contre, j'en chie sur une putain de mission de merde avec l'Empire qui est de détruire des frégates dans une... je vois exactement là quelle c'est là où j'ai arrêté aussi. Ah, merci. Merci. Ah là là là là, au bout de la 10e fois, j'ai fait, tu sais quoi, il y a vous qui va sortir, je vais aller faire des rerolls. Mais je voulais te dire, Nebu, peut-être aussi, nous, on a un avis biaisé sur les commandes parce que, mine de rien, on a quand même séché Elite Dangerous. Et ça, oui. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal de passer de l'un à l'autre, en fait. Niveau commande, je sais pas si c'est parce que je me suis habitué à Elite Dangerous ou parce que c'est plus optimisé, peut-être. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec les contrôles. Elite Dangerous, effectivement, rien que pour faire poser ton vaisseau sur un dock, il faut utiliser 8 boutons. Là, sur Squadron... Oui, mais justement, ça aurait dû être plus facile, peut-être, sur Squadron. Ouais. Je pense mais que... je sais pas, j'avais vraiment l'impression de piloter des tracteurs, des moissonneuses batteuses, quoi, plutôt que des X-Wing. Quoi. Quand tu tournes, ça prend vraiment... je sais pas, j'ai pas du tout aimé le feeling des vaisseaux. Quoi. Dommage. Alors... Par contre, si le gameplay est à redire, point de vue de l'histoire, on y est. C'est une très bonne histoire en solo. Hein. Mmh. Parce qu'on attaque Squadron, donc on joue côté rebelle, enfin côté Nouvelle République, Ouais, et j'avais bien aimé aussi. Ouais. Le côté des gagnants, l'Empire. Et on voit les échanges, les missions qui s'entrecroisent et compagnie. Quand on prend son temps à discuter avec ses coéquipiers avant ou après les missions, on sent que c'est bien rentré dans l'univers Star Wars. Et puis il y a une histoire, chaque personnage a une histoire, ça c'est cool, hein, si je me souviens bien. Oui, chaque personnage a une histoire et t'as même une utilisatrice de la Force dans le lot. Hein. Ah, ça j'ai pas fait gaffe. Bah, enfin, je suis pas allé jusque-là, je crois. Ah, si, en fait, dès le je début. Je parie que c'est l'amirali, la verte. C'est ça, t'as tout compris. Ouais, oh, bah c'était obligé que ce soit elle. Parce qu'elle te dit, oui, je ressens certaines choses et compagnie. D'accord, ouais. Dis, non, mais toi, tiens donc. C'est de la force, en fait. Donc, dans Star Wars, quand on ressent des choses, c'est que. Une petite affinité. Hein. C'est ça. Donc, non, moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas fini. Pendant les fêtes de Noël, je me suis dit, je vais essayer de le torcher pour histoire d'en parler bien en profondeur pour le podcast. Et ben, j'ai buté sur cette putain de mission. mais je comprends. Ouais. Donc, voilà. Mais par contre, au niveau de l'histoire, ça reprend pas mal de choses qui sont sorties en 2020, que ça soit roman, comics et compagnie, et ça c'est bien sympa parce qu'on suit la construction de ce super destroyer de la Nouvelle République. Ah ouais. Et ce super destroyer était apparu pour la première fois dans le roman Riposte, Chute de l'Empire, si je dis pas de bêtises, de Chuck Wending, sur la fameuse bataille de Jakku. Ils font référence à l'escadron Rogue, ils font référence à l'escadron Alpha B, si je dis pas de conneries, et qui dit escadron Alpha B dit également comics préquel TIE Fighter. Ouais. Non, mais là, pour le coup, je trouve que ils se sont fait plaisir. J'ai l'impression que c'est un petit peu le. Enfin, on en reparlera sur le. Ben, notamment Mandalorian et tout ça. Mais de piocher un peu partout pour mettre des éléments qu'on a vus dans les bouquins, dans les. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop le choix non plus en ce moment. Dans quel sens ? Dans le sens où, bon, on aime ou on n'aime pas, ça a fait débat dans tous les cas, les trois derniers Star Wars, justement par rapport à cette histoire, et puis même depuis que le canon, c'est ça et pas d'autre chose, je trouve que il faut quand même faire que l'histoire, elle a de plus en plus, il faut qu'elle s'entrecroise, tu vois, et pour moi, ils ont besoin de ces connexions parce que le fan, il aime ça. Bah, carrément, ouais. Donc, ouais. Le fan, il aime ça, mais en plus, c'était complètement sous-exploité dans Legends. Et ça, et au pire, ça disait quasiment n'importe quoi dans Legends également. Tu prends une des trilogies de vieux romans que j'ai lu il y a un petit moment, où en fait, on te parle de la mère de Luke, mais c'est clairement pas Amidala, quoi. Ah oui, ouais. Oui, mais c'est peut-être aussi un peu le rôle de Disney maintenant de. Comment dire ? De rapprocher tout ça et d'utiliser peut-être d'anciennes choses et de faire en sorte que tout soit logique, quoi. Voilà, bon, enfin, on va pas refaire le match, mais effectivement, ce qu'on attendait de Disney quand ils ont racheté, c'était effectivement d'unifier le lore de Star Wars, qui est voilà, c'est le mot que je cherchais, ouais. Qui est vraiment trop bien. Pour tout le monde, le lore, c'est L-O-R-E, c'est, on va dire, l'histoire. Avec un grand H, ouais. Ouais, voilà, d'un univers. Et le lore de Star Wars, avec le Legend, c'était le bordel. Et comme tu dis, il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait des Stormtroopers zombies, il y avait. Enfin, voilà, quoi, ça allait dans tous les sens. Et ce qu'on attendait Disney, c'était d'unifier. Ils l'ont fait sur leur. Leurs comics, leurs bouquins, mais les films, malheureusement, ils ont réussi à faire trois films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. C'est ça qui m'a un peu. C'est vrai que tu as un univers de ouf, et ouais, comme tu dis, ils n'ont pas exploité. Bon. Donc, ouais, heureusement, on verra, on va en parler dans la partie. La troisième partie, mais effectivement, tout ce qui est annoncé. Ça se rôtisse, quoi, ça se resserre, et ça peut être plutôt cool. Et alors, vite fait, on va quand même vite fait l'évoquer, vu qu'on est un podcast de comics, 2020, comics, c'était quand même assez, assez riche. En France, comme aux US, on a terminé avec les séries entre l'épisode 4 et 5. Et on embraye en janvier, là, les épisodes entre le 5 et le 6. Alors voilà, moi, j'ai pas trop fouillé parce que je t'avouerai que je suis pas comme toi un lecteur de kiosque. Je suis plutôt un lecteur de tomes, moi. Et j'essaye de les suivre au fur et à mesure. Et effectivement, toi, t'es un peu plus calé que moi là-dessus. La série, donc tu confirmes que la série qui se passait juste après l'épisode 4, donc se termine avec le tome 13, du coup, si je dis pas de conneries. Oui, ça doit être ça. Voilà, et donc il y a une nouvelle série qui a commencé. Qui a commencé aux États-Unis en mai dernier et qui va commencer en kiosque, qui a commencé en kiosque aujourd'hui au moment où on tourne, donc le 7 janvier. Et moi, je suis devenu un peu comme toi, un lecteur de tomes, mais en VO. Et le premier tome de Star Wars était sorti en novembre. Et là, normalement, je vais récupérer Dark Vador samedi. Trah, qu'est-ce qui me tarde celui-là. Cette troisième série de Dark Vador, elle me tarde vraiment. Parce que j'essaye de pas me spoil, je passe entre les gouttes là depuis 2 ans. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop trop bien. Donc il me tarde vraiment. Il me tarde vraiment que ça sorte en France. Mais tu m'as dit que c'était pas tout de suite, hein. Alors, vu qu'ils vont sortir les comics, vu que c'est sorti aujourd'hui le premier chapitre en France, je pense que tu l'auras en juin-juillet. D'accord. Ouais, ce qui est pas mal quand même. Ça va, ça va. Si donc, ouais. Bon, après, sur les parutions, Tom, moi j'ai quasiment tout suivi. Afra, que j'adore toujours. Enfin, je te dis quasiment tout. Non, les trucs je crois que c'est les peaux d'Ameron là, tout ça. Ça, j'ai pas réussi à m'y mettre. Tu m'avais dit que c'était pas mal, mais je sais pas. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis con, mais la période post-impériale, enfin la période, on va dire épisode 7, 8, 9, je sais pas. Elle arrive pas. J'arrive pas à m'y attacher. Quoi. Alors, c'est la période pré-7. D'accord. Ouais, bon, enfin, il n'empêche que cette période pré-7, 8-9, j'arrive pas à m'y attacher, quoi. J'ai un peu du mal. Alors, honnêtement, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé Poe Dameron parce que j'adore le scénariste, que je suis énormément. J'aime bien le personnage de Poe Dameron. Et ils ont fait beaucoup de clins d'œil à l'Empire. Donc, ça passe assez bien. D'accord. C'est pour ça que j'ai un peu adhéré. Par contre, tu vois, là où je suis très content, c'est qu'on en a terminé en comics entre la période du 4 et le 5. Parce que moi, ça me faisait too much. Ouais, ça commence. Enfin, là, 13 tomes, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'histoires. Alors que quand tu lances l'épisode 5 juste après l'épisode 4, ils ont encore l'impression, enfin, ils donnent encore l'impression de se découvrir tous, tu vois. Alors que, bon, avec 13 tomes plus les Dark Vador, ils ont quand même, et Afra, ils ont quand même vécu pas mal d'histoires, quoi. Plus les romans, plus les mini-séries qu'il y a eu également. Alors les romans, j'en ai pas. Ouais, mais pas. Alors tu as eu l'héritier du Jedi qui se passe juste après l'épisode 4. Oui. En mini-série, tu as eu Han Solo, Chewbacca et. Ah oui, c'est là, ouais. Oui, c'est en comics, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, enfin voilà, ça faisait beaucoup d'histoires effectivement, et il me tarde de voir ce qui se passe après l'épisode 5, ouais. Et ouais, mais c'est surtout, tu vois, beaucoup de romans, beaucoup de comics dans l'univers de Star Wars. Il se passe que 2 ans. Un petit peu plus, non? Il y a pas 4 ans ou... Non, il y a que 2 ans. De mémoire, il y a. Ah, de mémoire, l'épisode 5 qui se passait en 4 ou 5 après la bataille de Yavin. Eh ben, écoute, je vais regarder, mais pour moi, c'était 2 ans. D'accord, ok. Non, mais c'est pas ça. Et de toute manière, entre le 5 et le 6, il se passe qu'un an. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses qui devraient arriver. Ouais, ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour 2020 et Star Wars. Je pense que on va faire la transition pour la deuxième partie avec The Mandalorian, puisque ça vaut une partie à lui tout seul. Oui, et excuse-moi, il s'est passé 3 ans. 3 ans, ok, d'accord. 3 ans et 1 an entre le 5 et le 6. Ok, ok. Ouais, donc ouais, ça faisait beaucoup d'histoires en 13 tomes là quand même. Allez, ben du coup, là maintenant, on va passer sur Mandalorian. Et nous revoici pour la deuxième partie de l'émission où on va débriefer Mandalorian. On va essayer que ça ne dure pas 3 heures quand même, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, éventuellement, je vais être honnête avec vous, on risque de spoiler. Involontairement ou volontairement, on va spoiler. Donc, si volontairement, je veux dire, on peut pas parler de cette saison 2 sans parler de mon personnage préféré qui est arrivé dedans, donc... Oui, non, ça, ça c'était à l'épisode 6, donc... L'épisode 5, ouais, 6 sur 8, ça va vite, hein. Ouais, c'est-à-dire que, ouais, il y a un truc facilement spoilable, ouais. Donc, ce que ce qui se passe à la toute fin, par exemple. Oui, voilà. Par exemple. Alors... Ouais. Ce que je propose, c'est que si vous n'avez pas vu la série, sautez cette partie. Donc voilà, sur la description, il va y avoir la timeline. Donc avec la timeline, vous pourrez facilement sauter la partie où on traite de Mandalorian. même chose que d'habitude. Comment vous avez trouvé cette saison 2? Juste quelques mots avant de rentrer en détail. Tu commences Vas-y. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, hormis un épisode qui pour moi était plus qu'en dessous des autres, vraiment de très très bons moments. Vraiment c'était un bon cru cette année encore et vivement la suite. Moi je vais dire exactement la même chose, hein. J'ai vraiment adoré, je peux rien dire de plus pour l'instant, mais j'ai vraiment kiffé, vraiment pure saison et... pour des raisons aussi qui font que c'est parce que ça s'inscrit un petit peu plus dans la mythologie, on va dire, de Star Wars, quoi. Ben, écoute, on en parlera un petit peu plus. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai détesté. C'est une série de merde. Vivement que ça se termine. Au même niveau que Star Trek Discovery, quoi. Ah, je déconne quand même. Je me doutais que tu rigolais quand même, mais bon. c'est compliqué de faire pire que Discovery. J'ai kiffé la série. Il me tarde beaucoup et j'ai énormément de questions pour cette saison 3 qui est prévue. J'ai énormément de questions et compagnie. Comment on va faire pour parler de Mandalorian? Comment on va faire pour... j'ai une idée. Je vais vite fait résumer Mandalorian en quelques phrases et puis après on rentrera plus en détail. Donc on retrouve Mando, donc Jin Daren, qui est à la quête, il est parti à la recherche de Jedi pour y confier l'enfant et il trouve un Jedi à la fin de la série. Voilà, c'est bon, j'ai fini de résumer, je suis fier de moi. Ah oui, oui, ça va vite, ouais, effectivement. Oui, cela dit, c'est pas faux, hein. Bah oui, voilà. Alors, plus en détail, je pense que si Filoni et Favreau ont fait quelque chose de bien dans la saison 1, qui est de parler de Star Wars pour des néophytes qui n'ont jamais vu Star Wars, et qui à la fin de Mandalorian se sont dit « je vais peut-être regarder les autres séries pour pouvoir en apprendre plus », et dans cette saison 2, ça a été des pelles de clins d'œil et c'était juste jouissif du début jusqu'à la fin surtout. Et puis ouais. Voilà, quoi. Après, moi, je dirais que c'est plus que des clins d'œil, hein, parce que c'était carrément des introductions ou des croisements, tu vois, plutôt que des clins d'œil, quoi. Sans parler d'Ahsoka, on peut parler des Mandaloriens qui rencontrent Bo-Katan. Bo-Katan, tu vois, je veux dire, c'est pas n'importe qui, ça vient de Clone Wars, c'est la Mandalorienne normalement, enfin la Mandalore, quoi. Et on ne l'avait vu jusqu'à présent qu'en animé, c'est-à-dire dans Clone Wars et dans Rebels, tu vois. Et de les voir prendre vie, ça faisait plaisir, c'était cool. Parce que là, tu dis, ben ouais, les animés que j'ai kiffés, ben ça y est, ils sont en vrai, tu vois, ils sont... Tu sais, c'est un peu con, mais il y a beaucoup de gens qui ont pas... On en a déjà discuté dans des précédents podcasts. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé et qui ne connaissent pas Clone Wars et Rebels. Mais là, clairement, avec cette saison 2, ben, on comprend que ça y est, ça fait vraiment partie de l'univers complet sur le même pied d'égalité que les films et maintenant la série Mandalorian, quoi. Et ça m'a fait trop plaisir. Et t'as totalement raison là-dessus. Alors, vite fait pour Bo-Katan, à savoir que la personne qui la double dans The Clone Wars et Rebels, c'est la même actrice. En français, tu veux dire ? Aux États-Unis. Ouais, c'est Sackhoff. Ah, c'est elle qui la faisait aussi dans le dessin animé ? Ouais. Ah, je savais pas. Et si. Et ça, c'est d'accord. Super bien. Ça, c'est la classe, tu vois, quand même. Ouais, carrément, j'avoue. Donc, non, ça, c'est déjà pour Bo-Katan. C'est ça, j'ai kiffé qu'ils reprennent. Et elle a le physique, en fait. Depuis que je la vois dans The Clone, enfin dans Battlestar Galactica, quand je l'ai connue, et que après tu sais qu'elle fait la voix de Bo-Katan, tu te dis putain, mais elle a le physique pour. Ouais, carrément. Il faut que ça soit elle, quoi. J'avais juste peur de la voir en rousse. La première seconde, ça fait bizarre, mais après. En fait, ça passe grave. Donc, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est con, mais sur le même épisode aussi, ils prennent d'assaut un vaisseau, tu me diras la classe, j'ai oublié là, tu sais, de l'Empire, hein, qui porte des tailles, tu vois, et qu'on avait vu la première fois dans Rebels. Oui. Donc ça aussi, c'était cool de le voir en live, ce vaisseau, quoi, enfin en CGI plutôt. Ça, c'est pareil, c'est, toute cette dimension-là, j'ai vraiment kiffé, quoi. Et en parlant de lien avec les séries, donc il y a eu Bo-Katan, il y a eu Ahsoka, mais il y a surtout quelque chose qu'a dit Ahsoka et que là, oui, on attend tous, c'est où est ce fucking motherfucker d'Amiral Thrawn. Ouais, d'Amiral Thrawn, ouais. C'est un peu compliqué d'expliquer qui est ce personnage, mais on peut dire que c'est un méchant ultra charismatique qui, pour le coup, a été tiré de l'univers étendu, hein, complètement. Et qui a été introduit dans Star Wars Rebels. Je sais plus si on a... T'es encore là, Jeff ? On t'entend plus. Oui, je suis là, t'inquiète. Non, mais je t'écoute religieusement. Voilà. Religieusement, d'accord, ok, très bien. Donc ouais, c'est un personnage qui est tiré en fait de la très bonne et excellente trilogie qui est maintenant Legends du Jedi fou de Timothy Zahn. Qui se passait juste après la chute de l'Empire, l'épisode 6, et on y voyait l'apparition de cette nouvelle menace pour cette nouvelle République, cette jeune République, qui était l'amiral Thrawn, qui était un Kiss, donc c'est-à-dire une race extraterrestre à la peau bleue. Et alors déjà c'était fort parce que l'Empire déteste les extraterrestres, surtout au poste de commandement, et ce mec-là, en fait, est un pur stratège et a un charisme de malade. Et il a été réutilisé dans Rebels, puisque à partir de la saison 2, si je ne dis pas... Saison 3, ouais, il devient l'antagoniste, à tel point que c'est avec lui que se conclut la série, en fait, hein, The Clone Wars, sur sa disparition avec le héros de Clone Wars. On ne sait pas où les deux sont passés. La série Clone Wars se termine par... Rebels se termine par un flash forward où on voit Ahsoka et Sabine, qui est une autre des héroïnes de Rebels, se réunir pour aller chercher Ezra. Le héros de Rebels qui est parti avec l'amiral Thrawn. Et l'entendre mentionner dans The Mandalorian, une nouvelle fois, c'est encore une dimension de ouf. L'univers s'approfondit et c'est vraiment trop, trop, trop bien, quoi. à savoir que Timothy Zahn a repris l'écriture de trois romans. Le troisième roman est sorti en décembre et qui clôture la trilogie sur Fron. Et voilà. Alors, je crois que les titres, c'est Fron, Fron Allégeance ou Alliance. De loin, je ne vois pas vraiment. Et, je crois que c'est Allégeance. Ouais, c'est Allégeance. Et Fron Vengeance. Ouais, et il faut vraiment que je les lise, ceux-là. Non, pardon, Fron Trahison, le troisième tome. Et le premier tome avait été adapté en mini-série de comics, donc disponible chez Panini Comics. Que tu aimes tant. Non. Mais voilà, et bon, est-ce qu'on va un petit peu plus loin sur le déroulement? Parce que bon, forcément, moi, ce que j'attendais le plus dans cette série, qui avait été un petit peu teasée, c'était l'arrivée d'Ahsoka en live, qui est pour moi mon personnage préféré de l'univers de Star Wars, et la voir en live, oh là là, qu'est-ce que c'était ouf. Et alors, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils font pas monter la sauce, genre on va voir quelqu'un et tout ça. Non, non, c'est direct ouverture de l'épisode 5, du coup, hein, si je dis pas de bêtises, elle défouraille d'entrée, quoi. Et ça, mais qu'est-ce que c'était trop bien! Et tout l'épisode était beaucoup trop bien. Oh ouais, là là. L'épisode était, j'avais l'impression, comme je t'avais dit, de voir un Samurai Jack. Dans le déroulé et tout ça, vraiment génial. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de clins d'œil aux westerns, aux vieux films de samouraï dans la série The Mandalorian. Ouais, carrément. Parce que quand on prend le premier épisode, c'est du western pur, quand on voit Mando arriver sur Tatooine, et compagnie, c'est du western. Et 4 épisodes plus tard, c'était une ambiance complètement samouraï. Et ça se voit avec Ahsoka, qui n'est pas une Sith, qui n'est pas une Jedi. On peut la prendre pour une Ronin, en fait. Carrément, carrément. Mais c'est carrément ça, au final. Parce que là, on sait pas, elle est pas en recherche de vengeance, mais elle traque un seigneur, tu vois. Enfin, ouais, on est carrément dans cette optique-là. Ouais, non, là, franchement, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. On peut parler du retour d'un autre personnage, et ça, c'est assez rapidement dans la série aussi. C'est le fameux Boba Fett. Qu'est-ce que c'était trop bien. Ouais, mais il est pas nommé, on va dire, dès le premier épisode. Mais qu'est-ce que c'était trop bien, ça aussi, de le voir, de reprendre l'acteur qui incarnait les clones, quoi. Oui, et puis c'est surtout pas lui faire des moves ridicules et tout ça. En vrai, j'adore Boba Fett, il n'y a pas de souci, mais j'ai trouvé qu'il avait davantage de charisme dans Mandalorian. Ah bah carrément, dans la série... Il s'était racheté, ils lui ont racheté du charisme, du talent, il sait se battre, tu vois. Ah ouais, parce que pour avoir revu les films il n'y a pas longtemps, bon, Boba Fett, oui, il est culte parce que auprès des fans, il est marquant, il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne le voit pas se battre ou quoi, tu vois. Et là, c'est vrai que c'était plutôt vraiment, vraiment cool de le voir dedans, sachant qu'à partir d'un moment, il a un rôle assez important. Donc, vraiment cool. Ouais, ça, vraiment cool. C'est la vraie question sur Boba Fett, c'est en fait pourquoi il déteste autant l'Empire, en fait. Il ne les porte clairement pas dans son cœur, en fait. Tout le début, à chaque fois qu'il croise l'Empire, il défouraille, mais alors qu'il a travaillé des années pour l'Empire. Et ce sera peut-être expliqué dans une future série. Ouais, sachant qu'il a plus travaillé quand même. Enfin, il a travaillé pour l'Empire. Pire, mais pas tant que ça finalement, parce qu'il était surtout avec Jabba le Hutt, et de temps en temps il faisait des contrats avec l'Empire. Mais oui, bah il les déteste. Je pense que c'est parce que c'est méchant. Ouais, voilà. C'est du menu fretin. Et que maintenant il s'est engagé auprès du Mandalorien, quoi. Bah, il avait ça, pas c'était le choix cool pour récupérer l'armure. Pour récupérer l'armure, mais ouais, mais après, oui, mais après, je veux dire, une fois qu'il l'a récupéré, il pouvait se dire, bon, ben, fuck, quoi, alors qu'il va l'aider à sauver l'enfant, quoi. C'était. Enfin, toute cette saison, c'est vachement classe. Non, là, ouais, on pourrait. En fait, je suis en train de calculer qu'on pourrait en parler pendant des heures. Même moi. Ouais. On va dire 2-3 trucs vite fait, ou. En fait, c'est qu'ils ont introduit pas mal de trucs dans cette saison 2. Qui vont rentrer en écho avec notre troisième partie qui est l'annonce des futures séries, quoi. Alors, vite fait, un personnage que j'ai bien aimé le retour également, c'est Fennec. Ouais, j'avais bien aimé dans la première saison, ouais. Donc ça, c'était bien sympa de la revoir, à savoir qu'elle va réapparaître dans une autre série, dans deux autres séries. Ah. Oui, donc dans Boba Fett et dans The Bad Batch. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu dans la bande-annonce, c'est vrai. Et toujours doublé par Ming-Na. Ouais, bah oui, c'était obligé, ouais. Parfait. Donc voilà. Autre chose qu'on peut dire rapidement, les Dark Troopers. Les Dark Troopers, ouais. qu'on revoit dans leur forme ultime, comme à l'époque dans Legends, dans les jeux vidéo. Ouais. Comment ça s'appelle ? Dark Force. Dark Force, ouais, voilà. Effectivement, je m'en souviens, ça y est. Et dans Jedi Knight, ouais. Donc voilà. Autre chose qu'on peut dire là comme ça. Je voulais dire quelque chose, je l'avais au bout de la langue, mais j'ai zappé. Jo, t'as quelque chose, un personnage qui t'a marqué durant cette saison, le temps que je retrouve l'info. Alors moi, j'ai plus vu ça comme un ensemble, donc à peu près tout m'a marqué. Je te dis, le truc qui m'a marqué, c'est un épisode que je n'ai pas du tout aimé, mais bon, ça c'est en fonction des goûts. L'épisode 4, qui n'a aucun intérêt, aucune cohérence, j'ai trouvé, mais bon, voilà. Alors, en fait, pareil, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que je sais quel personnage m'a marqué parce que je l'aime pas, tu vois. J'aime pas beaucoup le... comment il s'appelle ? La catcheuse, pas la catcheuse, la Carano. Ouais. J'ai un peu de mal avec son rôle, mais dans l'ensemble, dans la série, moi j'ai passé un super bon moment, avec une fin quand même assez mémorable, hein, je trouve. Mais de persos qui m'ont marqué, je sais pas, plutôt des moments où cet épisode avec Ahsoka, qui est quand même génial, où on apprend enfin le nom de l'enfant. Tout ce genre de choses, et puis moi c'est vrai que c'est tout l'univers qu'il y a autour quand tu vas sur internet, et mine de rien cette série est quand même un pilier maintenant de la pop culture, donc c'est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé cette saison. Alors si j'ai retrouvé, alors c'est pas un personnage, c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup kiffé. C'est l'épisode où ils récupèrent le prisonnier avec qui ils avaient forcé la prison dans la saison 1, donc qui était en prison, qu'ils ont libéré et qui était un ancien impérial. J'ai plus son nom en tête, mais j'ai kiffé. C'est pas l'avant-dernier épisode, ça ? Si, ouais. Il semble, hein. Ouais, il était bien fait, hein. Ah ouais, je suis d'accord. Il était très bien fait, mais alors il y a deux choses que j'ai kiffé. Donc c'est déjà le personnage qui fait une référence à l'opération Cendre, donc Battlefront 2. Ouais, ouais. Et ça, quand on voit le clin d'œil, tu dis putain, vraiment tout est connecté. Et ça, c'est quand même sympathique de voir une référence d'un jeu vidéo à la série, comme une référence du film à la série et vice-versa. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jean a dû retirer son casque pour passer le contrôle impérial. Ouais. Donc c'était chouette en plus, c'était bien tourné. C'était bien tourné, mais c'est surtout que ça fait penser que c'était aussi un ancien impérial. Alors ouais, ce que je me suis dit aussi, mais en fait je me suis dit, il y a soit l'hypothèse que c'était un ancien impérial, ce qui me paraît bizarre puisqu'il a dès son enfance été élevé par les Mandaloriens, la Black Watch. Death Watch. Hein, pardon ? Death Watch. La Death Watch, pardon, ouais, voilà. Ou sinon, bah, il fallait juste un visage pour être identifié, quoi, tu vois. Donc, Moi, je l'ai plus vu comme ça. Ouais. Il fallait vraiment un visage pour être identifié. Et son code d'honneur, ça lui fait quand même mal au derche de devoir enlever son casque. D'ailleurs, je me posais une question quant à l'odeur de l'intérieur de son casque. Quand même. Carrément. Ou en tout cas, de l'intérieur d'un casque de Mandalorian. Bah, c'est ventilé, à mon avis. Ouais, bah oui, ça. Puisque c'est des, ils peuvent respirer dans l'espace avec, hein, quand c'est hermétique, hein, donc l'air est renouvelé. Bien vu. Bah, comme les Stormtroopers et tout ça. Ouais. Et bon, bah, je pense qu'on arrive pile poil sur la transition de fin, qui est ce dernier épisode, qui est waouh. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, là, franchement. Vraiment, moi j'étais comme un fou sur mon canapé. Ah, je me souviens, hein. Je me souviens exactement le moment. On s'était mis dans le noir pour le regarder. Là, je vois un X-Wing qui arrive. Je me suis mis torse nu, mais vraiment. Genre, là, il fait trop chaud. J'ai des trucs à expulser là. Ouais, bah, moi, il y a ma femme qui s'est foutue de ma gueule. Mais oui. Et moi, ça va. Elle était avec moi, tu vois. Elle était genre, ouais, c'est. Je crois que je sais qui c'est. Et non, franchement, c'est vrai qu'on voit le X-Wing arriver. Et bon, au début, un X-Wing, tu dis peut-être un Jedi. Mais c'est ça, il y a ce petit. Ouais, il y a ce petit. Cet effet crescendo, en fait, qu'il y a eu. Qui a bien été amené, j'ai trouvé. Et puis, tu vois l'homme débarquer. Encapuchonné, une tenue noire. Un sabre laser vert. Sabre laser, mais tu sais. Un gant sur la main. Tu sais, ouais. Là, forcément, c'est waouh. Et c'est extraordinaire ce que Jon Favreau et Filoni ont réussi à faire deux fois sur deux saisons, c'est de nous cacher des informations sans rien effuiter. Ouais, carrément. C'est vrai. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont fait diversion, tu vois. Ils ont balancé du Ahsoka, ils ont balancé Bo-Katan et tout ça. Ouais. Ce qui fait que les gens se sont dit, bah ouais, c'est cool, il y a déjà pas mal d'infos. C'est des infos qui te suffisent, en fait. Ouais, tu vois, c'est genre, ah ok, bon, bah, trop bien, ça me suffit. Voilà. Et là, bim. Carrément. Mais non, franchement, ce moment et toutes ces interrogations et le moment de l'adieu aussi. Ouais. Ah bah, j'ai versé ma larme. Hein. Oula, moi j'en ai une qui a pleuré toutes les larmes de son corps hein, aussi à la maison. et ouais, et si le visage du Moff également, quand il a vu l'X-Wing arriver, c'était aussi énorme. Ouais. Cet épisode. Ouais. Hein. Donc voilà. Alors, vite fait, avant qu'on parle des projets de l'avenir, bon, vu qu'on va toujours spoiler, on va vite fait évoquer la saison 3, les interrogations qu'on peut avoir et compagnie. Est-ce que pour vous, Grogu va revenir ou pas, en fait ? Je sais pas. Vraiment, je sais pas parce que... En fait, quand à la fin, il peut pas être entre de meilleures mains, tu vois. Si on met de côté les révélations de l'épisode 7 et 8, je parle de Star Wars, pas du Mandalorian, il peut pas être entre de meilleures mains, tu vois. Donc je sais pas trop s'il va revenir dans la saison future, quoi, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est le deuxième personnage, enfin, c'est le personnage principal de la série avec le Mandalorien, justement. Donc, je sais pas trop comment ils pourront s'en passer, hein, tu vois. Moi, je vais faire mon rabat-joie, mais mine de rien, il y a l'aspect marketing aussi, hein. Exactement, mais j'allais le dire. Qui fait que, ouais, est-ce que vraiment ils peuvent s'en passer? Ou alors, il faudrait qu'ils créent autre chose, mais ils ont quand même réussi à créer, parce que bon, Yoda, il est quand même pas fou de sexy à la base, hein. Et à mon sens, ils ont créé une des bestioles les plus cute de la pop culture, tu vois. Et ça vend, en fait. Donc oui, ouais. C'est sûr que il faut voir l'aspect, l'histoire, machin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut se poser cette question aussi, donc... Ça m'étonnerait pas qu'on le revoie. Maintenant, il faut voir comment ils peuvent l'intégrer à l'histoire parce que, vu comment ça s'est fini, il n'y a pas de raison qu'il revienne, en tout cas, à mon sens. Pas dans cette série, en tout cas. Ouais. Et du coup, donc pour vous, la saison 3, c'est la reconquête de Mandalore. Ouais. Ouais, mais alors, ça aussi, c'est particulier parce que, techniquement, lui, il en a rien à foutre, quoi, tu vois. Oui, mais il a pas arrêté ça. Ben non, il a pas prêté serment. Il a Si, il a dit à Bo-Katan, lui a dit bon, moi je t'aide pour récupérer, pour prendre d'assaut le croiseur. En échange, tu nous aides pour la reconquête. Ouais, ouais, mais ça c'est vrai, ouais, effectivement. Mais le fait que, bon, enfin ça on peut le dire, le fait qu'il ait récupéré le sabre et qu'il se retrouve ben, en position d'être Mandalore. Alors à la fois c'était évident à la fin de la saison 1 que ça allait finir comme ça. D'une manière ou d'une autre, mais à la fois, vu qu'il en a rien à foutre, je sais pas trop comment ça peut être amené, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, pour le coup, je trouve, tu vois. C'est que là, il y a un truc à faire, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et autre chose qui est intéressant, c'est la réaction du Moff, qui dit, ben, en fait, Bo-Katan est obligé de te tuer. Mais non, en fait, d'où... Bo-Katan est obligé de bah, tuer... C'est ça que j'ai pas compris aussi. Franchement, j'ai fait des recherches et tout, et je comprends toujours pas d'où ça sort, ça, tu vois. Non, mais c'est hypocrite. Sabine l'a donné à Bo-Katan. Mais voilà, c'est ça, en fait. Ce que j'allais dire, c'est que à la base, Sabine lui a légué, enfin, lui a cédé, en fait. Puisque elle-même a été pas... se trouvait pas digne et ne voulait pas être la Mandalore, elle a donné à Bo-Katan parce que elle estimait que Bo-Katan était la personne à même de le faire. Donc du coup, le fait, enfin je sais pas, c'est le je sais pas d'où ça sort en fait ça. Il manque quelque chose. On en saura peut-être plus pour la prochaine saison et je pense ouais. Et voilà. Vous avez quelque chose à rajouter ou on passe à autre chose ? Bah, je pense que de toute façon, on va reparler de cette saison 2 dans la saison dans la partie 3 puisque il y a pas mal de trucs comme on l'a dit qui se sont transformés en annonces, quoi. Et nous revoici pour cette troisième partie, peut-être la partie la plus intéressante, c'est sur l'Investator Day de 2020, qui nous a annoncé plein de séries Marvel. On est revenu dessus lors d'un podcast déjà. Les séries Star Wars, Disney Plus Star, les annonces Disney, mais voilà, on va surtout revenir sur les annonces de Star Wars et waouh, je l'ai découvert en direct, c'était fou. Il y avait du lourd. Hein. Vous avez suivi l'event en direct ou pas du tout ? Non. Moi non. Bon. Non, mais par contre, le lendemain matin, j'avais les news direct, quoi. Déjà, le lendemain matin, tu avais tous mes messages, à mon avis. J'avais tes messages, effectivement, et j'avais, après, sur mes sources, je suis allé voir, et effectivement, je fais, mais what ? Il y a tout ça ? C'est assez fou. Alors, on va peut-être revenir sur ce que nous a annoncé donc Disney via Lucasfilm. Bon, il va y avoir Indiana Jones, ça on le savait. Il va y avoir également Willow. C'est aussi bon, c'est pas ouais. Star Wars, mais bon, l'annonce quand même. Ça me chauffe. Ouais. Et surtout, là, on va revenir sur les annonces et également les petites surprises qu'il y a eu ouais. Dans une qu'on va peut-être même parler maintenant, qui est Book of Boba Fett. Boba Fett, ouais, effectivement. Ben, ça, c'est surtout qu'ils l'ont même pas annoncé pendant l'événement des investisseurs là. Ils l'ont gardé de côté pour justement le dernier épisode du Mandalorian, puisqu'il y a un post générique, une fois n'est pas coutume, ouais. Où effectivement Boba Fett vient reprendre le contrôle de. Enfin, vient se prendre le contrôle, tout simplement, du palais de Jabba sur Tatooine. Et ça se finit par rendez-vous en hiver 2021 pour The Book of Boba Fett. Quoi. Et là, ah ouais ? Une nouvelle série ? Donc, ouais. Alors, je t'avouerai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos, donc je ne sais pas quel format ça va prendre, hein, ni combien d'épisodes va y avoir, ni ce que ça va raconter. Alors... je vais supposer plein de choses là-dessus. Mais hier, on va rentrer sur une phase de supposition. Ouais. Donc, je vais annoncer les séries dans l'ordre dont elles devraient plus ou moins sortir. Je pense que ça sera pas mal comme ça. Donc, ouais. Prévu à l'origine pour le printemps 2021, mais je pense que ça risque d'être peut-être décalé plutôt pour l'été 2021, c'est Star Wars Bad Batch, qui est la suite de The Clone Wars, où on va suivre la Bad Batch dans une période pré-impériale. Ouais, c'est ça. Et on va voir donc les clones se faire recycler au fur et à mesure pour laisser la place à des Stormtroopers qui savent toujours pas viser, alors que... qui sont des mecs, qui sont des recrues, ouais. Peut-être pour parler vite fait de ce qu'est la Bad Batch, parce que je suppose que toi, Joe, ça te dit rien. Non. Ouais, t'as pas vu la saison de The Clone Wars? Mais non, il a pas vu The Clone Wars, j'ai pas réussi à lui faire voir. Non, non, mais ça arrive, je cherche un abonnement Disney. Si tu veux, je te le file, hein. Ben voilà. La Bad Batch, c'est dans la dernière saison de Clone Wars, celle qui est sortie cette année, en fait. Le premier arc de la saison 7 de Clone Wars, en fait, nous présente une équipe de clones qui ont on se démarque génétiquement des autres parce qu'ils ont une anomalie qui s'est transformée en une force spécialisée, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est ultra intelligent, un qui est ultra balèze, un autre qui est un super méga tireur. Mais dans l'ensemble, ils sont bien moins polyvalents que des clones normaux. Mais le fait qu'ils soient ultra spécialisés, ils en ont fait une espèce de... des squads d'élite, de clones qui interviennent sur des situations qui sont plutôt délicates. Du coup, on nous les présente pendant ça, on voit une mission avec eux, et on n'entend plus parler jusqu'à justement cette annonce de cette série où on va avoir une période trop cool de qu'est-ce que sont devenus les clones après l'Ordre 66, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va être poignant. Et on va revoir certains personnages, dont Fennec, qui était apparu dans la saison 1 et la saison 2 de Mandalorian. Donc, non, je hype et il me tarde de regarder parce que je suis en pleine recherche de cette période pré-impériale. Carrément. Pour la suite de la compagnie. JDR. Carrément. Et puis moi, on en avait parlé avec Fallen Order. C'est une période que moi j'adore, qui est pas trop exploitée, mais qui commence à être un peu exploitée. Il y a eu Rebels quand même, même si c'est plus tardif. Mais j'adore cette période post-République, quoi. Cette série va vraiment être cool parce que c'est Clone Wars, quoi. Mais surtout là où c'est très intéressant, c'est que c'est tout de suite, c'est la transformation de la République en ère impériale. Quand on prend Rebels, ça se passe 10 ans avant l'épisode 4, donc l'Empire a déjà bien installé et compagnie. Pareil pour Fallen Order, l'Empire est déjà bien installé, les Inquisiteurs sont là. Là, dans la Bad Batch, les Inquisiteurs, je ne suis même pas sûr d'en voir un seul. Ou ça va être le tout début. Ça va être le tout début parce que en fait ça va correspondre à la même période de la deuxième série de Dark Vador. Ouais, voilà ce que j'allais dire. The Dark Lord, The Dark Sith Lord, là. Ça va être exactement la même période. Donc ouais, peut-être on va voir les premiers inquisiteurs. Je sais pas. Après, j'ai cru comprendre que ils vont être la Bad Batch. Ça va être plutôt des mercenaires. Donc est-ce que ça va être un Mandalorian-like? Je sais pas trop. Je pense que l'Empire n'aime pas tout ce qui n'est pas droit, carré. Donc ils risquent soit ils vont être envoyés vers une mission suicide qui vont réussir, mais qui vont maquiller ça en suicide. Soit ils vont déserter. Je pense que ça va être plutôt ça, d'ailleurs. Mais on verra bien. Mais voilà, celle-là, il me tarde aussi. Et donc ça, on reprécise, c'est en animé. Hein. En animé. C'est pas en live. Donc, pour la rentrée 2021, on devrait avoir une deuxième série qui est Star Wars Vision. Donc une deuxième série d'animation où il y a très peu de choses qui ont fuité, à part que c'est dirigé par des Japonais et ça va être la vision qu'ont les Japonais sur Star Wars. Ouais, voilà. Ouais, ça peut être un peu style Animatrix. En vrai, j'en attends rien. On verra ce que ça donne. C'est ça qui est bien, c'est qu'on en attend rien, mais on sait qu'on va le regarder. Exactement. C'est... Ouais, non, je sais pas. Je... Voilà. Après, ce qui me fait peur, c'est que la dernière fois qu'on a laissé Star Wars à un studio japonais, ça a donné Star Wars Resistance. Ah, ouais. Alors, ça a donné oui et non, parce que la direction était américaine, mais la technologie, ce que j'allais dire, ouais. C'est la même maison qui fait les Gran Turismo sur la PlayStation. J'ai plus le nom du studio, mais c'est eux qui ont fait l'animation. D'accord, ok. Ouais, non, j'avais pas trop aimé. Bon, écoute, on verra bien. Franchement, voilà. Écoute, hein, plus on a de contenu, hein, exactement. On va pas se plaindre. Donc, après, pour la fin de l'année 2021, on a Book of Boba. Voilà. Donc là, on n'en sait strictement rien, à part qui sera le chef de la pègre sur Tatooine. Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé de voir comment Bib s'est engraissé. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. J'allais dire, le pouvoir, ça fait quand même grossir. C'est l'effet du trône, ça. Ah ouais, de rester assis toute la journée, là. On s'entasse. Donc, à en croire ce qu'on a vu, Book of Boba va sortir en décembre. Je pense que ça va durer 8 épisodes. Et... Ouais, moi j'aurais dit moins, tu vois. Parce que normalement, la saison 3 de Mandalorian, c'est prévu aussi pour. Ils ont. Ah bon c'est Jon Favreau qui l'a annoncé qu'ils allaient sortir. Book of Boba parce qu'ils avaient commencé à le tourner et que en suivant peut-être début 2022 sortira Mandalorian. D'accord, ok. Et donc du coup on va arriver sur la saison 3 de Mandalorian qui va nous annoncer plein de choses de bien, donc ça va être extra. Je le sens bien. Bon, on en avait un peu parlé sur la deuxième partie, mais j'en attends beaucoup. Alors moi j'en attends beaucoup, mais d'un autre côté, comment est-ce qu'ils vont pouvoir taper encore plus fort que ce qu'ils ont fait sur la 1 et la 2, tu vois? Ouais, parce que la 1 et la 2, ça parlait à des gens qui n'étaient pas forcément ultra adeptes de l'univers. Ouais. Mandalore, on arrive quand même dans le dur. Hein. Bah, y a ça. Même moi, ça me va. Hein. C'est étant fan de The Old Republic. Bah, voilà. Alors, ça ce va. Que j'allais dire, c'est le truc où en fait, ils pourraient faire. Parce que bon, Mandalore, concrètement, là, à part avoir Sabine, par exemple, il reste plus grand monde à voir qu'on connaît déjà, tu vois. Mais s'il y avait une mention ou un flashback, ou je sais pas, une religion autour de Revan, par exemple, ou des anciens Mandalore. Oh, là, j'ai eu des frissons dans ce corps, là. Ce serait juste trop ouf. Mais bon, voilà, ça, c'est pur. Cela dit, il y a eu une mention dans Star Wars 9. Dans Star Wars 9, il y a Revan, ouais, effectivement. Enfin, il y a Revan, et il y a la mention, quoi. Oui. Il y a la mention de Revan. Ouais, en fait, une des escadrilles de l'Empire s'appelle l'escadrille Revan. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, du coup... le nom existe toujours. Le nom existe. C'est mon livre de chevet en ce moment. Sachant que tous les les escadrilles dans l'épisode 9 ont un nom d'un ancien seigneur Sith. C'est ça. Donc du coup, il y a pas mal de noms qui sont sortis et qui du coup sont issus du Legends. Donc à voir, on verra bien. Alors, on en attend beaucoup donc pour la saison 3. Avant que la saison 2 sorte, il y a l'acteur qui fait le Moff Gideon, qui a annoncé que la saison 2 posait les pierres pour un avenir pour les 3-4 prochaines années pour Mandalorian. Donc apparemment, ouais. Il y a de l'histoire. Alors je ne sais pas si c'est de l'intox du coup, vu comment se termine la saison 2 pour lui, mais voilà, je pense que s'il faut, ils ne l'ont pas annoncé, mais Mandalorian pourrait peut-être avoir une saison 4-5, et voilà. Après, j'espère qu'ils vont quand même trouver une fin à la série à un moment ou un autre. Oui, je suis d'accord avec toi, il faut pas avoir ce syndrome de plus ça marche, plus on continue. Moi je pense parti comme ils sont, avec toutes les séries qu'ils ont annoncées, on va se retrouver... Enfin, tu vois, un peu comme le Arrowverse où, dans 2 ans, on aura un crossover avec tous les héros qui se retrouvent pour une mission, tu vois. Tant que c'est plus Kali, ça va. Oui, voilà. Donc, à voir. Franchement, à voir. Moi, de toute façon, tant qu'il y a du Star Wars, ça me plaît. Donc, après, on va arriver au printemps 2022 et on va avoir la série Star Wars Andor, donc, qui va être... Ouais. La préquelle de Rogue One où on va suivre cet espion rebelle de ne pas faire des choses très très propres pour la rébellion et pour l'aider à la construire. Donc ça, j'ai un peu la hype quand même. Bah, moi aussi j'ai la hype, mais parce que je sais pas ce qui... En fait, Andor, Cassian Andor, c'est pas un personnage Disney, je trouve. Et c'est pas un personnage... C'est pas Star Wars en fait, c'est un anti-héros. C'est... Ouais, mais oui, mais je veux dire, en faire une série autour de lui, waouh! Enfin, je sais pas, c'est. Ça apportera peut-être une nouvelle vision aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est non, peut-être le but, hein, de dédisser cette image. Ouais, mais c'est pas Disney pourquoi de pas dévisser des images, tu vois. Donc, du coup, je sais pas. Et oui, mais dans les sens, Star Wars, c'est pas Disney non plus, quoi. Donc, faut qu'ils arrivent à garder un entre-deux, je trouve. Ouais, je sais pas. Non, mais tu vois. Après, par c'est exemple, peut-être mon côté bisounours hein, qui parle en disant. Le Mandalorien, il se laisse pas emmerder. Il tue des gens comme ça. Enfin, et c'est souvent des impériaux, mais il y a pas de sang. Oui, bah après, y a pas de dans Star Wars, il y a quand même Andor, un rapport différent avec la mort. Hein. Oui, on est d'accord. Mais Andor, dès la première fois que tu le vois. Oui, c'est vrai, j'y pensais. Ouais. Il tue un informateur, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas trop. Je suis curieux de cette série, on verra bien. Et on se déplace... Donc ça, c'est en live, hein, on en parle en live, aussi. Oui. Voilà. Et on arrive après, en été 2022, avec Obi-Wan Kenobi. Oh là là là là alors là ça... Oh là là là là, la alors, meilleure annonce pour moi. Oui, mais attendez. Je suis d'accord, la série me hypait de fou. D'après certaines rumeurs, l'acteur qui fait Boba Fett, donc Temuera, je sais jamais son nom. Ouais, j'oublie tout le temps son nom. Ouais. Enfin, bref, il aurait signé pour reprendre le rôle du commandant Cody. Ouais. Non, mais ça va être trop bien. Et on va voir, il y a Hayden Christensen aussi qui a été confirmé en tant que Dark Vador. Alors attendez, moi, ça m'a hypé. Puis jusqu'à ce que je voie le moment où ils ont dit qu'il va y avoir un combat entre Obi-Wan et Dark Vador. Et là, ça m'a fait mal, je me suis dit... Ah non, ils ont dit... Non, il n'y a rien qui a été confirmé. C'est justement les spéculations qui ont eu lieu pour le quand ça a été annoncé. Mais il n'y a rien qui a été confirmé. On ne sait même pas s'ils vont se rencontrer, les deux. Hein. T'es sûr? Parce qu'apparemment, Ewan McGregor aurait dit ça. Non, il a juste dit que lui, il était content de retrouver Hayden Christensen. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de combat. Enfin, il n'y a pas eu d'annonce de combat et tout ça. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas vu de truc officiel, en tout cas. D'accord. Bon, mais est-ce que c'est grave en soi s'il y a un combat entre les deux? Oui, oui. Oui, c'est grave, tu crois? Parce que je sais pas. Parce qu'il a vieilli, hein, le combat dans dans le 4. Hein. Ah, ça. Quand tu compares par rapport à celui du 3. Non, mais oui, je peux comprendre, mais bon, on verra, hein, de toute façon. Oui, on verra bien. Après, Sais que je suis ultra fan qu'il y ait le retour de Chris Hansen parce que c'est un acteur que j'adore. Ouais. Hein, même et si alors, je sais qu'il n'a pas été beaucoup aimé. Ce que j'aimerais, moi, c'est justement qu'il y ait en plus Ahsoka parce que du coup, on aurait. Ah oui, toi, je me doute bien. Les oui. trois en live. Et là, ça. Enfin, définitivement, Clone Wars serait. Enfin, deviendrait un pilier. Un pilier de Star Wars, quoi, tu vois. Oui, mais non. Je Pourquoi suis désolé. Ahsoka n'a aucune idée que Vador c'est. Alors ça, je suis d'accord. Et... Mais c'est pas là-dessus. C'est pas genre une réunion de tous les trois que je te dis. Mais qu'on voit Ahsoka. Normalement, elle sait qu'Obi-Wan est en vie. Et elle sait qu'il existe. Pas. Donc normalement, elle le sait. Tu reprends le roman. Ce n'est absolument pas Mais oui, noté. Mais le roman, il se passe au début. Moi, je te parle, là, Obi-Wan Kenobi, ça va se passer entre le roman et Rebels. Et dans Rebels, elle a l'air d'être au courant qu'il y a d'autres Jedi qui sont en vie. Alors, je n'en parle même pas dans Mandalorian. Mais elle a l'air d'être au courant. Donc, bon. Après, elle n'a pas été annoncée sur cette série. Donc, je m'avance. Hein. C'est juste une envie de fan. Hein, après. Donc, je l'attends. Voilà, je l'attends. Il y a pas de problème. Clairement. Mais voilà. Alors, j'ai pu annoncer ces quatre séries, ces cinq séries d'un coup, parce qu'il y a une suite logique. Bad Batch avait été annoncé en 2020, après The Clone Wars. Vision, ils ont confirmé la date, ou ils n'ont pas confirmé, mais j'ai déjà vu plusieurs fois 2021. Donc, je suppose que ça va être entre Bad Batch et Book of Boba Fett. Book of Boba Fett a commencé à être tourné, donc là-dessus il y a pas de problème. Mandalorian, il commence à le tourner juste après, mais ça va prendre beaucoup moins de temps qu'Andor et Obi-Wan Kenobi, et je suppose qu'Andor va arriver en premier parce qu'ils ont commencé le tournage bien avant Obi-Wan Kenobi, et Obi-Wan Kenobi juste après. Voilà, tout ça va se jouer également au niveau du Covid là-dessus, en sachant qu'en Angleterre ils ont arrêté le tournage de Doctor Strange 2 à cause du Covid. Ouais, exactement. Ouais. Donc on va voir, ça va être un peu le bazar. Ouais. D'une manière, on va continuer après. Je vais arriver sur ma théorie à la fin. On va parler des autres trucs qui ont été annoncés, peut-être en les développant un peu moins, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça va aller assez vite, hein, il n'y en a plus beaucoup. Il y a la série Rangers of New Republic qui est annoncée. Alors, Rangers, est-ce que c'est la série solo de la catcheuse? Je pense pas, parce que surtout qu'elle a elle a eu polémique. Oui, c'est vrai. Ça a l'air d'être plutôt autour des patrouilles qu'on voit effectivement à partir de l'épisode 2 et qu'on suit tout au long de l'épisode 2 de Mandalorian, du coup, de la saison 2. Je pense que ce sera plutôt autour de ces gens-là, en fait. Pourquoi pas? Personnellement, je vois pas l'intérêt, j'y attends rien. Ouais, pareil. Je vois pas où c'est qu'ils veulent aller là-dedans. Là, donc, c'est du Star Wars. Je prends, j'achète, mais... Ouais, clairement. Ouais, voilà. C'est tout. Si Vision me hype un peu, je sens que New Republic me hype pas des masses. On verra. Donc, voilà. Et on va évoquer ta série Nebu, la série que tu attends tellement. Là, franchement, la série Ahsoka, voilà. J'ai envie de dire, ça fait depuis la fin de Star Wars Rebels que je l'attends. Mais je l'attendais, enfin, tu vois, même une petite animation ou un long métrage d'animation m'aurait suffi. Là, on a carrément une série. Donc, j'en peux plus. Voilà. Ça va être très dur d'attendre jusque-là. On sait pas le contenu, on sait que ça s'appelle Ahsoka, donc ce sera autour d'Ahsoka. Donc, voilà. Je pense que ça va partir. Ça va partir sur sa quête de l'amiral Thrawn, de Ezra. On verra peut-être Sabine. Enfin voilà. À savoir que au moment où elle apparaît dans The Mandalorian, c'est avant la scène de fin avec Sabine. Alors non, il a dit que peut-être. Filoni a fait un tweet en disant que il y avait rien de défini. Voilà, c'est juste ça. Moi, ça me semblerait quand même un peu plus logique parce que si tu remarques bien, à la fin de Rebels, elle a une tunique complètement blanche, immaculée, et elle a ce grand bâton qu'on voit absolument pas. Ouais, non, mais c'est pour ça, je pense, ça doit être après. Mais voilà, il me tarde cette série absolument. Alors, ça va être trop bien. Je vais y mettre une petite hypothèse, même si on n'a aucun renseignement sur le contenu. À une époque, il y a bien, bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, Filoni avait dit qu'il y avait une suite de Rebels en préparation, mais que ça serait en animation et pas en série live. Donc, je pense que Ahsoka pourrait peut-être poser les bases à cette future série d'animation. Ou voilà. Être cette série. C'est ça aussi, quoi. Ou être. Mais j'ai des doutes. Ouais, écoute, on verra bien. Bon, bah, bien, ça va être trop bien. Après, voilà, c'est encore une fois des suppositions. Après, il nous reste encore trois petites séries à parler. Donc, on va parler peut-être celle qui me hype le moins possible, Star Wars Droid Story. Tiens, vous allez vous entendre avec. Ouais, on va bien s'entendre. Voilà, je crois que c'est centré sur R2-D2. Voilà, je crois que c'est sur R2-D2 et c'est 3PO, non ? C'est pas les deux en même temps ? Ouais, voilà. Bon, mais voilà. Je pense que c'est je pense que c'est le futur remplaçant de Résistance. Peut-être même plus, un peu plus intéressant que Résistance, qui n'est pas très très compliqué en soi. Et voilà quoi. Donc, next. Après, Pierre-Alban, tu dis. Nébu, pardon. Tu disais que c'était un truc pour les enfants, peut-être ? Je pense Droid Story, ouais, ce sera de l'animation et ce sera tourné pour les enfants. Hein, parce que typiquement, les épisodes, par exemple Clone Wars ou Rebels, où il y a les droïdes, c'est les épisodes les plus enfantins. Quoi. Donc à voir, en vrai, ça, à voir, je regarderai, mais c'est vrai que je... Bon, voilà quoi. Bah, c'est du Star Wars, je vais le regarder, mais voilà, plus en... Voilà quoi. Ah, moi, je sature de ces droïdes-là, vraiment... Bref, donc on va parler de la deuxième série qui me hype, enfin la série qui me hype un peu plus, qui va être Londo. Ouais, grave. Donc voilà. Ce qui serait théoriquement, je dis bien théoriquement, aucune info encore concrète là-dessus, mais la suite de Star Wars The Solo Story. Ouais, alors j'espère, parce que qu'est-ce que je kiffe Donald Glover. Et si on nous met Donald Glover en Lando dans cette période, toujours entre l'épisode 3 et l'épisode 4, je vais surkiffer. Ça va être trop génial. Mais tu sais, quand on m'avait annoncé Glover dans Star Wars en tant que Lando Calrissian, je dis oui tout de suite, super, parce que j'avais vu la série Community. Mais oui. Et cet épisode spécial Star Wars, c'était... Exactement. Déjà, j'ai adoré la série, puis c'est un acteur de ouf, c'est un chanteur de hip-hop. Moi, je le connais de hip-hop, ouais. Ouais, c'est Childish Gambino. Il fait des sons de ouf, et c'est un mec qui est génial. C'est un pur geek en plus, quoi, donc ouais, bon... J'espère qu'ils vont reprendre lui, mais voilà, on sait juste que ça s'appelle Lando et on ne sait pas du tout ce que ça va raconter, ni qui va jouer dedans. Et dernière... Qui va faire la transition avec la dernière partie de l'émission. Oui. Sauf qu'on a oublié de parler des films. Mais justement, je vais d'abord parler du film, je ne vais pas parler... C'est la série qui me hype le plus possible en plus, mais voilà. D'accord. Mais on va parler du film, annoncé, réalisé par Patty Jenkins. Oui, voilà. Donc, la réalisatrice du moyen plus Wonder Woman 1 et du catastrophique. du catastrophique Wonder Woman 1984. J'ai pas vu non plus. D'après les rumeurs, mais bon, je vais bien... Alors moi, de ce que j'ai lu, ça commence bien, ça finit pas bien, et j'aime pas du tout le premier, donc bon... Tu fais bien de pas aimer. Ouais. On va pas se mentir, je suis un fan de l'Escadron Rogue. J'ai tous les romans de l'univers Legends que j'ai torché, Wedge Antilles est le meilleur pilote de la galaxie, bien devant Luke, bien devant Poe Dameron. Je vais pas savoir. j'adore Wedge, c'est mon personnage favori. Rogue Squadron serait peut-être entre le 6 et le 7. Je suis fan, j'attends, mais j'ai un gros doute sur la réalisatrice. Alors ouais, moi ce que j'allais dire, c'est que moi quand je lis un titre Star Wars Rogue Squadron, je veux une des choses que j'aime le plus dans Star Wars, c'est-à-dire les batailles spatiales. Mais ouais, mais clairement, mais bien sûr. J'ai peur qu'avec la réalisatrice, on parte sur un peu trop de entre les batailles, tu vois, genre. Clairement, Rogue Squadron, c'est de l'action, quoi. J'ai un peu peur de ça, en fait. Hein. J'ai un peu peur qu'il y ait une bataille au début, une petite au milieu et une grosse à la fin, et que entre les deux, on ait des histoires de famille et tout ça, quoi. Mais les romans Rogue Squadron, c'est à peu près ça. C'est de la famille, il y a de l'espionnage, il y a de la politique, il y a des missions diplomatiques. Il y a pas que des batailles spatiales, mais clairement après. Le Wonder Woman 1 qui était bien au début, hein, mais qui s'est terminé en combat de sang et lumière, j'ai peur. Avec le professeur Lupin. Avec une moustache. Avec une moustache. Je veux dire, on a quand même un dieu avec une moustache. Ouais. j'en rigole encore, mais vraiment, c'est un ventre à faire. Ouais, pareil. Non, bon, il me tarde, mais j'ai peur. Après, ouais, on verra, ça se trouve, ce sera un très bon film. Peut-être. Mais pareil, comme tu dis, il me tarde, j'ai peur, ouais. Mais bon, on va surtout terminer ce listing par la série qui me hype le plus. Alors, je me souviens, je t'en ai parlé au début, à l'époque où je t'avais dit, High Republic, tu vas voir, c'est l'avenir de Star Wars. Il va y avoir un film là-dessus. C'est la nouvelle période, j'en suis sûr. Les nouvelles trilogies, ça va être centré sur High Republic. Et tu m'as dit à l'époque, non, c'est pas ça et tout. Non, c'est pas du tout ça. Et finalement, la série, donc, je me souviens plus du nom de la réalisatrice, mais qui avait annoncé un projet complètement inédit, avec des personnages complètement inédits, qui va partir sur de l'exploration. Au début, j'aurais mis une petite pièce sur Afra. J'aurais bien aimé que ce soit Afra. Mais mieux, ils nous ont annoncé Acolyte, qui va se passer sur la troisième partie de The High Republic, qu'on détaillera après. Mais voilà, c'est la preuve que Lucasfilm se met vraiment à fond dans... Il mise énormément sur cette période-là, hein. Franchement... Ouais, écoute, non, on verra bien. Ouais, moi aussi. Hein, on a besoin de ça. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve qu'on a besoin de nouveau. Et d'anciens, en l'occurrence. mais oui, clairement. Mais non, franchement, il me tarde. Il me tarde. Je veux voir cette série. Je pense que en plus, c'est peut-être centré sur une Jedi. Donc, en tout cas, le titre me fait évoquer peut-être une Jedi. Peut-être le début de Palpatine. Enfin bref, je signe tout de suite, quoi. Je veux voir ça tout de suite. Complètement. Et sur ce, on va attaquer la toute dernière partie de l'épisode. Et je crois que les 1h30 d'émission sont dépassées. Pas tout à fait. On a commencé un peu après la demi. Bon, on va voir ça. On va voir si on va le dépasser. Mais oui, on va dépasser. Mais après, je pense que sur The High Republic, c'est plutôt toi qui vas mener, parce que moi, j'ai pas trop d'infos. Donc, je pense que c'est toi qui vas mener le truc. Bon, non, qui va nous exposer. Ah, bah, écoute, ça va me faire plaisir. Et nous revoici pour cette toute dernière partie d'émission où on va parler de la prochaine étape pour Star Wars qui a été nommée à l'époque Projet Lumière. On en sait plus depuis début 2020. On savait que ça, qu'il devait y avoir un event qui va se passer 200 ans avant l'épisode 1. Donc 232 ans avant l'épisode 4, et qui devait s'appeler High Republic, qui devait être l'apogée de la République avec les Jedi. Ce moment où les Jedi et la République se tournent vers la bordure extérieure, ils ont misé énormément, Lucasfilm avec, parce qu'ils ont fait appel à Marvel, Del Rey et IDW pour créer, pour formonter cette nouvelle étape, en sachant qu'il nous prévoyait beaucoup de surprises, chose qui est le cas avec la série Acolyte qui devrait sortir en 2022, voire pourquoi pas même 2023. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me hype depuis un petit moment. Alors, avant de rentrer dans les détails, un petit mot, Joe, Nebu, ça vous hype ou pas du tout d'explorer une nouvelle époque? Alors moi, complètement. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça nous fait un peu, ça nous fait du nouveau, ça nous fait un nouvel univers. Moi, ça me parle énormément, parce que hein, mine de rien, ça fait quand même un peu penser à l'Ancienne République. En tout cas, vu comment c'est décrit, tu vois, à mon sens. Moi, ça, ouais, vraiment, j'attends ça à la fois pour de nouvelles histoires, mais aussi pour un nouvel esthétisme, voire de l'architecture davantage, etc. Vraiment, j'ai très très content qu'ils aient annoncé ça, et je pense que je vais me plonger dans les romans quand ils sortiront. Ouais, moi ça me... Alors, je vais pas dire que ça me hype, parce que je suis beaucoup plus hypé par tout le reste, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais comme dit Joe, c'est un nouveau truc, donc je vais le suivre. Franchement, je vais le suivre. Je sais à mon que sens, toi, on en a besoin. Ouais, je dirais pas ça, mais dans tous les cas, je suis curieux et forcément, vu qu'il y a marqué Star Wars dessus, je vais le suivre, pas de souci quoi. Alors, vite fait, il y a eu des nouvelles qui sont sorties là-dessus, donc Starlight, First Duty, donc qui sortent dans le magazine Star Wars Insider aux États-Unis, hein, bien évidemment, exclu États-Unis, on ne le verra jamais en France, faut pas se mentir. En roman. D'ailleurs, en parlant d'exclu, j'ai vu qu'il y avait une exclu en Chine aussi sur The High Republic. Genre un truc qui allait sortir qu'en Chine. Oui. C'est chelou ça. Un roman, ouais. Donc voilà, et tu vas même avoir un manga, mais je vais présenter tout ça. Donc on va avoir un roman qui s'appelle La Lumière des Jedi, écrit par Charles Soule, qui doit parler aux fans de comics, parce que c'est lui qui a scénarisé la mini-série Lando, premier du nom. C'est lui qui a scénarisé la deuxième série sur Dark Vador. C'est lui qui va scénariser la suite de Star Wars, entre l'épisode 5 et 6, c'est lui qui scénarise la série principale, et là il s'est mis à l'écriture donc, du premier roman qui pose la première pierre, donc voilà, il est sorti le 5 janvier 2021 aux États-Unis, il est tout frais, il est tout nouveau, il va arriver en mars en France. Donc la traduction est super vite et c'est super bien. Il va y avoir un deuxième roman qui va sortir qui s'appelle The Rising Storm, écrit par Kevin Scott. Là aussi, ça va être intéressant d'en savoir un peu plus, parce que Kevin Scott, c'est celui-là qui scénarise la série Star Wars High Republic chez Marvel. Donc, ça pourrait peut-être une petite expérience cross-média bien sympathique à découvrir. Donc, ce roman va sortir le 29 juin 2021. Et après, il va y avoir quelques romans jeunes adultes, hein, le Young Adult, avec En pleine ténèbre, scénarisé par Claudia Gray. C'est elle qui avait fait, que je dise pas de bêtises, le roman Sombre Apprenti, qui note la mort de Ventress et de Voss. C'est Christy Golden qui les avait écrits, ceux-là. Autant pour moi. Bah, tu fais bien, mais bon, je sais que Claudia Gray avait écrit. Faut que je lise alors. J'adore cette autrice. Auteur, je sais pas comment. Alors, non, autant pour moi. Claudia Gray avait fait le roman Lien du sang, qui explique en fait la révélation côté Nouvelle République quand les gens apprennent que Leia est la fille de Dark Vador. Donc voilà, mais c'est un des meilleurs romans du nouvel univers Star Wars, donc il me tarde de découvrir ça. Il va y avoir un autre roman qui s'appelle Out of the Shadows qui va sortir. Alors, on n'a pas d'infos parce que c'est tout récent. Hein. L'annonce a été faite le 4 janvier, donc on a pas de synopsis, on a rien du tout. Mais voilà, on a au moins des titres. Il va y avoir des romans pour enfants, The Great Jedi Rescue qui est sorti également le 5 janvier, toujours par Kevin Scott. Il y a deux séries de comics, donc The High Republic écrit par Kevin Scott qui est sorti hier. Je devrais récupérer le premier issue demain. Non. Samedi. Enfin bref, il y a aussi une deuxième série qui s'appelle Star Wars High Republic Adventures, donc plus tiré jeunesse, je dirais, qui est publié chez IDW. Il y a un roman graphique qui s'appelle The Monster of Temple Peak, toujours écrit par Kevin Scott. Il va y avoir un roman purement... merde... un roman purement chinois pour les Chinois, donc je ne sais pas si ça va arriver en France ou pas. Et il va y avoir également un manga qui va sortir qui s'appellera The Edge of Balance. Donc voilà, j'ai vu la cover, j'ai des doutes. Les Américains qui font des mangas, j'ai peur que ça se transforme un peu en Warcraft, le puits, c'était pas fou. C'est pas ouf, malgré que ça cote super bien. Et il va y avoir donc la série télé Viacolite qui va être créée et écrite par Leslie Edlund. J'ai retrouvé son nom. Ouais, c'est ça. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit. donc voilà, ça c'est la première vague. À savoir qu'il va y avoir cette partie de 200 ans va s'écrire en trois étapes. Donc la première qui s'appelle la Haute République qui durera jusqu'en 2022. La deuxième phase va s'appeler Quest of a Jedi. Et la troisième étape va s'appeler Three Eyes of the Jedi. Donc ça dépend... s'ils vont être emmerdés par le Covid ou pas, mais je pense que Haute République va durer jusqu'en 2022, peut-être mi-2022. La deuxième phase va faire 2023-2024 et la troisième phase 2024-2025. Donc on a Star Wars qui s'écrit sur 4 ans, c'est génial. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Mais comme je t'ai dit, je prendrai quand ça sortira. Enfin, du moins, je suivrai quand ça sortira, mais je suis pas non plus hypé de ouf, quoi, tu vois. Et j'en attends rien, en vrai. En vrai, j'en attends rien, voilà. Alors, c'est surtout ça. Pour info, quand même, on va retrouver un personnage phare de l'univers Star Wars dans... Ouais, il y aura Yoda, de ce que j'ai vu, ouais. Il va y avoir Yoda, mais Yoda beaucoup moins sage que dans l'épisode 1. Il sera déjà membre du conseil, mais apparemment, ça sera le petit rebelle du coin, un peu à la Qui-Gon Jinn. D'accord, ok. Et sur la troisième étape, on pourrait peut-être même le voir former Dooku. C'est pas ouais, ce que j'avais vu en termes de date, ça pourrait correspondre. Ouais. Ça serait quand même pas mal. Ouais, carrément. Dooku qui forme Qui-Gon Jinn, je signe. Ouais, carrément. Ça fout. Donc voilà. Donc non, honnêtement, je suis hypé. Par contre, il y a quelque chose qui est sorti comme info. Il faut d'abord avoir lu le roman écrit par Charles Soule, donc la lumière des Jedi, qui sortira en mars chez nous, parce que le comics se passe après le roman, et en deux pages de comics, tu te fais spoiler une partie du roman. D'accord, ouais, bah oui, puisque c'est l'ouverture, quoi, c'est l'introduction. Ouais. Donc voilà, si vous voulez commencer, ne commencez pas par le comics. Donc moi, j'ai commandé le comics, je voulais pas le lire avant les 4-5 premiers chapitres, de toute manière, mais je lirai le roman avant de lire le comics. Bon, mais tu fais bien de nous le dire, alors. Mais voilà. Et Pocket fait énormément d'efforts pour suivre l'événement au plus proche. Et ça, c'est... Ça, c'est cool. C'est chapeau cool, à eux. Bon, on va vite fait parler roman hein, et des sorties 2021, parce qu'ils ont annoncé le 24 décembre les sorties pour le premier semestre. Donc le 25 février va sortir un roman sur la princesse Leia, écrit par Claudia Gray. Donc voilà, c'est le 16e anniversaire de Leia Organa. Elle a participé à la traditionnelle cérémonie lors de laquelle elle déclare son intention de siéger un jour sur le trône d'Alderaan, mais elle est davantage soucieuse de la façon dont ses parents ont agi dernièrement. Nombreuses rencontres, dîners tardifs, etc., etc. Enfin bref, c'est le roman qui va introduire Leia dans la rébellion, et donc ça va se passer avant qu'on la voie dans Rebels. D'accord, ok. Donc voilà, le 25 mars, il va sortir La Lumière des Jedi. Donc ça, on vient d'en parler, hein, mais il me hype. Donc voilà. Et le roman de Claudia Gray, le second, qui va se dérouler donc, dans The High Republic, qui s'appelle en français en pleine ténèbres, va sortir le 22 avril. Donc on est un mois après La Lumière des Jedi, c'est génial. Ah oui. On va avoir la lecture. Et en juin 2021, ça c'est pour toi, Nebu, du coup, tu vas avoir un roman sur la jeunesse de Poe Dameron. Avant le comics. Super. J'attends ta critique. Ouais. Non, mais il faudra que tu me passes les comics quand même, que je les lise. On va dire que on va pas débattre surtout à la fin de l'émission là-dessus, mais que comme quasiment tous les personnages de la dernière trilogie, ils avaient du potentiel qui a été gâché. Je me suis attaché à aucun. Voilà. Peut-être parce que j'adore les pilotes de X-Wing, mais je me suis peut-être plus attaché à Poe qu'autre chose. Ouais. Bon, bref, ce sera l'objet d'un autre podcast, non ? Ouais, sur Star Wars, on peut en faire tous les jours. C'est clair. Donc voilà. Bon, ben, en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à celui-là. Avec grand plaisir. Merci pour l'invite, en tout cas. J'espère que ça t'a fait plaisir. Ah, j'ai adoré. Tant mieux. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Tu pourras parler de comics plus que moi, d'ailleurs, hein, si jamais. Sur la partie super-héros, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Encore une fois, bonne année pour l'année 2021 et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Ciao. Bye.